My name is Bruce Wayne. And I am the fastest man alive. If you don't listen to me, you'd be dead by morning. Well, there will be chaos. Rivers of blood in the streets. Look around. The enemy has the advantage. They're screwing with the wrong people. There will be light. But we have to fight on for those we've lost. And then we'll disappear. Become ghosts. To honor my friend's memory, I must be someone else. And something tells me it's gotta catch on. Et avec moi pour faire ce bilan de la première moitié de saison d'Heroes Reborn, Léo. Salut. Et c'est tout. Puisque tous les autres ont abandonné cette série, voire même ne l'ont pas commencé, si je me rappelle bien. Nous sommes les deux seuls irréductibles qui résistent encore. Et exactement, exactement. On va voir du coup pendant une petite demi-heure, hein, parce qu'on va peut-être pourra pas s'attarder à mon avis beaucoup plus que ça, sans même sans doute moins. On va voir si on a eu raison de s'attarder. Pas. Et on va commencer juste comme ça, hein, histoire de, comme d'habitude, placer un petit peu la barre. On a eu raison ou pas? Bah moi, je suis plutôt positivement, ouais, je dirais plutôt raison. Plutôt raison. C'est bizarre, hein, parce que si la mi-saison avait eu lieu à la suite de l'épisode double, j'aurais dû que ouais, carrément, on avait raison. Oui, voilà. Mais en fait, elle s'arrête après l'épisode 10. C'est assez vrai. Et ouais. 9, 10, franchement, c'était dur. Donc, je suis très, très, très partagé sur cette première moitié de saison. Il reste plus que 3 épisodes, hein, ça va être court. Hein. Oui, c'est ça. Ils ont décidé de garder, de toute façon, le final de l'épisode, de l'épisode pré-pause. Ils montrent vraiment un espèce de d'état de siège et de fin de round d'observation et début des hostilités dès la reprise de la série. Est-ce que tu penses, comme moi, que c'est une erreur d'avoir fait cette coupure à la fin après l'épisode 10 et pas après l'épisode 8? C'est difficile parce qu'en effet, comme tu l'as dit, ça change du coup la hype, la manière de penser dans la série. Pardon ? La dynamique en termes d'intérêt, de narration, etc. est complètement inversée dès le début du 9. Voilà, c'est-à-dire que du coup, parce que si je me souviens bien... j'allais dire une bêtise, mais la fin de June 13, là, c'est-à-dire la fin de l'épisode 8, ouais. C'est au moment, en gros, où ça s'arrête quand on apprend la révélation que, en fait, Tommy est Nathan, c'est ça ? Ouais. Il me semble que c'est ça. Mm-hmm. Ouais, voilà, ça aurait fini sur un énorme cliffhanger, sur un énorme truc, ça aurait créé une attente absolument énorme, alors que là, bon, ça s'arrête sur un espèce d'assaut, voilà, qui est d'ailleurs pas non plus, ouais, parce que vraiment, il y avait plus du tout de même tension, il y aurait plus vraiment eu d'intérêt, enfin, il y a plus vraiment de tension, là, dans l'assaut, enfin, l'épisode était un petit peu, genre, mou du genou, par rapport, notamment, à ce double épisode vachement balèze. Mm. Et du coup, bon, alors, quelque part, c'est pas plus mal qu'ils aient fini là, parce que s'ils avaient recommencé avec l'épisode 9 et l'épisode 10, ça aurait fait presque publicité mensongère par rapport au 7 et 8. Et puis surtout le 7 et 8, et si on s'est arrêté au 8, notamment en fait du point de vue des vieux acteurs, notamment Hiro bien sûr, qui sont là, ça aurait fait publicité mensongère aussi de leur point de vue, parce que tu nous aurais dit que les vieux auraient eu un vrai rôle à jouer, un vrai gros truc, tout ça. Bah, ils ont quand même un rôle à jouer, on le voit dans les 2010, il y en a d'autres qui reviennent qu'on n'attendait pas du tout d'ailleurs, enfin voilà, notamment, de toute façon on spoil, hein, c'est un bilan de mi-saison, notamment l'Haïtien. Oui, non, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Encore les joies de... Des timelines multiples. Quoi, c'est ça. Et du coup, en fait... Mais c'est un peu trop, là, du coup. C'est parce que, voilà, on l'a quand même vu mourir. Enfin, a priori, hein, on l'a vu mourir. Oui. Et du coup, on nous le ressort là, sans nous expliquer pourquoi, comment il a survécu, pourquoi il n'est pas mort. Est-ce qu'on est dans une timeline, finalement, qui a dérivé par rapport à ce qu'on avait vu? Enfin, on n'en sait rien, quoi. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent se permettre n'importe quelle connerie sans nous les justifier, sans nous les expliquer, juste sur le prétexte qu'il y a des voyages dans le temps foireux. Ça me dérange un peu. Bah, ils ont beaucoup, de toute façon, clairement, le voyage dans le temps avait une putain d'importance et ça a été vite établi, mais alors surtout le poids des anciens acteurs, et notamment de Hiro, est quand même extrêmement fort. Et quand tu vois le June 13, là, le double épisode, où tu vois que Hiro a un rôle central, il bouffe absolument l'attention. Et il bouffe absolument tout ce qu'il y a autour. Donc quelque part, en plus, la hype du retour des anciens, qui était un écueil complètement inévitable, floute encore un peu plus la vision que tu vas avoir cette série et des trames narratives qu'on nous sert. Donc Mais en même temps, heureusement qu'on a les anciens, parce que les nouveaux. Oui, parce que vraiment, c'est les, chez pas les. Sympa. Ah non, il n'y a pas que du bon, il y a même globalement que du moyen, voire pire pour certains. Zachary Levi, c'est chaud quand même. Hein. Il n'est pas bon, putain, il ne sait pas jouer le tragique. Il y a un problème avec Zachary Levi, c'est qu'il ne sait pas jouer le tragique. C'est assez dramatique. Enfin, il n'est pas crédible à chaque fois qu'il. Voilà. Et comme la plupart de ses plans, c'est lui qui fait la gueule. Voilà quoi, c'est difficile de s'attacher quoi. C'est ça. Et puis donc il est pas crédible, on est d'accord. Dans les scènes dramatiques, il est pas hyper crédible non plus quand il se bat. Non, pas vraiment. Donc au final, ben il aurait fallu trouver un rôle de clown quoi, parce que peut-être que là, voilà. Mais ben, non, on nous l'a vendu comme un rôle principal, comme un espèce de leader, tout ça. En fait, c'est pas du tout ça. Donc enfin au début, ça pouvait avoir de la gueule de le mettre en croisé contre les heroes pour finalement découvrir aux surprises, et ça on s'y attendait pas du tout, hein, bien ah sûr. Non, grosse surprise, attention. Hein, n'est-ce pas, que évidemment Zachary Levi est un hero aussi, et un niveau maintenant, puisqu'il faut dire niveau apparemment. Ouais. Et donc maintenant c'est un niveau, et du coup on a fait un espèce de clochard qui vagabonde sur les routes, et puis finalement qui trouve Malina et. Pour quelqu'un qui avait un rôle central, en tout cas jusqu'à cet épisode 10, il est complètement largué par les événements. Ah non, mais bon, après, il n'est pas le seul. Hein, il subit tout, quoi. Voilà, c'est vraiment, il subit. Il prend tout. Et là, par les anciens, mais aussi parce que clairement, il y a une attention donnée à plus d'autres énigmes que lui, quoi. Une fois qu'on nous a révélé que c'était un Ivo, ce à quoi on pouvait s'attendre au bout de 2 secondes, limite, voilà, quoi. Ouais, il n'y a plus rien, il n'y a plus trop d'intérêt. Alors de là, ce qu'on nous ressorte son fils vivant. Oui, voilà. Alors après, bon, le problème, c'est que c'est malgré tout ces heroes qui sont là. Donc la coupure à l'épisode 10 pour garder après 3 épisodes un peu rushés, bon, pourquoi pas. Après, si c'est 3 épisodes intenses et qui marchent bien et qui, voilà, bon, ça va. Mais si on avait coupé, peut-être qu'il y aurait une impression de retour de heroes originel par rapport à Heroes Reborn si on avait coupé après June 13. Je pense que June 13 était trop épique comme double épisode, trop important pour s'arrêter là à ce moment-là et ensuite reprendre par 2 épisodes un peu mou, puis ensuite repartir sur un truc un peu intense. Donc voilà, la coupure, ça, peut-être qu'il n'y avait pas non plus de moyens exceptionnels de la faire, mais c'est peut-être pas plus mal que ce soit là, quoi, histoire pour notre attente. Quoi. Ouais, et puis voilà, clairement, on peut. Enfin, moi, il y a une phase de construction jusqu'à l'épisode 7 où on met des choses en place, on installe les personnages, etc. Épisode 7 et 8 qui relie un peu tout ce qu'on avait vu depuis le début et qui nous fait un peu exploser ça dans une histoire de voyage dans le temps, etc. On se dit, finalement, bien, quoi. Il y a une construction, ils se servent de ce qu'ils ont placé, tout se lie plus ou moins dans ce double épisode, etc. Et une fois ce double passé, on arrive sur des épisodes 9 et 10. Où j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus trop quoi faire et qu'ils partent complètement en live sur plein de trucs qui nous balancent des révélations. Enfin, on ne sait pas d'où ça tombe. Des personnages sont dans des situations, on ne sait même pas comment ils se retrouvent là. Enfin, on a l'impression vraiment d'une rupture et qu'après ce fameux double épisode, enfin, ils sont partis dans tous les sens. Ça y est, il n'y a plus de retenue, on lâche les chevaux et on fait n'importe quoi. Voilà, et paradoxalement, on aurait limite dit qu'il savait plus quoi faire, quoi. Après, il y a 2-3 choix, tu dis, bon, à la limite, pourquoi pas, mais il y en a d'autres, c'est complètement mégalo, et comme c'est pas du tout justifié, en tout cas pas encore, bah, franchement, tu dis, ouais, mais pourquoi, quoi, une ville dans le futur, sans déconner, une ville dans le futur, où se retrouve la Katana Girl, qui s'est sacrifié 5 épisodes auparavant pour faire sortir Hiro, qui évidemment n'est pas son père, que ce que tout le monde a cru. Enfin, complètement, voilà, quoi. Il y a une idée qui est à sauver, je pense, c'est le fait de rendre Matt Parkman méchant. C'est pas dégueu comme idée, je trouve. Mais après, le problème, c'est que lui, il est bon, il est sympa, et puis ça reste Matt Parkman de la série originelle, etc. Mais voilà, enfin, il est pas aussi intimidant qu'un vrai ennemi à la Sylar pourrait être, quoi, même avec un contrôle mental. Ah bon, non, c'est clair. Il y a même des fois, il est un peu cheap. Ma foi, ouais, voilà, ça fait un peu méchant cheap, rafistolé. On te file un méchant en plus de l'ancienne série qui est devenu bad guy, c'est sympa. Voilà, alors pourquoi pas, mais il manque de relief. C'est ce qui est quand même paradoxal quand tu contrôles tout un campus avec des étudiants Ivo juste par la force de ta pensée. Quoi. C'est... Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un problème sur les personnages. Quand tu vois, les personnages, ils ont tous un côté un petit peu détestable. On a dit donc Zachary Levi, qui était voilà, qui est complètement largué. Mais quand tu regardes Carlos aussi là, celui qui a pas de pouvoir mais qui a plein de bonne volonté et du coup pour lui c'est comme un pouvoir. Et oui, et qui était assez intéressant sur le début, sur son introduction, sa présentation, etc. Je me disais, lui, il a du potentiel. Et puis au final, enfin, il tourne un peu rond avec lui, ils ne savent pas trop quoi en faire, alors qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Bah oui, mais surtout, il a quasiment rien. Enfin, on lui a quasiment rien filé à ce mec-là. Enfin, il sauf dans le 9 et le 10, c'est pas de bol, c'est les épisodes qui passent après June 13, donc forcément. Bah, c'est ça. El Vengador. Ouais, c'est ça, c'est le cousin d'El Vengador, du coup, bah, forcément, c'est moins hypé, quoi, parce qu'il a pas ça. Le masque, il a c'est pas ça. Le truc. Et qui, du coup, va hériter de son neveu, qui, lui, par contre, a des pouvoirs. Oui, c'est ça, le neveu dont on n'a pas encore vu non plus un truc vachement intéressant. Le prêtre, là, le mec qui prêche la religion, tu vois, mais qui sait se transformer en nuage de fumée, bon, c'est assez classe aussi, là, il y avait peut-être un truc à faire, mais non. Enfin, non. Et puis, ce qui était assez bizarre aussi, finalement, c'est que on a eu un préquel à cette série, donc Dark Matters, mm-hmm. Heroes Dark Matters, cet été, qui nous parlait, qui nous mettait quand même énormément en avant le personnage de Hero Trusa, ouais. qui était en fait, on allait le découvrir dans ce préquel, Micah, hein, donc on avait déjà vu dans la première série. Ouais. Et puis au final, il est aux abonnés absents et ça y est, alors pareil, on le voit arriver à l'épisode 10, le tout dernier avant le final de demi-saison. Mais pareil quoi, on fait pas, enfin qu'est-ce qu'il fout là ? Si, cela dit, parce qu'à la fin de Dark Matters, il est arrêté par parce que je crois que Quentin se rend dans sa base secrète, sauf que la base secrète est découverte par les forces de Erika et du coup il est capturé. Hero Trusa est vraiment capturé. Après le problème en fait, ce qui m'embête, c'est que si t'as pas vu Dark Matters, oui, tu peux pas là, le savoir. Tu ne sais pas ce qu'il fout là. C'est comme celle qui maîtrise justement la Dark Matter, la sœur de, je sais plus comment, là. Phoebe, la sœur de Quentin. Pareil, tu la vois arriver avec cette espèce de matière noire qui est diffuse là entre ses mains, mais pareil, si t'as pas vu le préquel, tu sais pas d'où elle vient. Un petit rappel aurait peut-être pu être. Oui, non, clairement. Elle est complètement passée inaperçue et voilà, fallait vraiment le savoir pour le suivre. Et... D'ailleurs, même, je sais que c'est un espèce d'enjeu central, mais bon, à la fois un peu anecdotique, parce que bon, tu peux aussi l'éliminer et voilà, enfin, tu peux aussi continuer la série sans elle. Mais le problème, c'est que Dark Matters mettait aussi le personnage de Quentin, son demi-frère, en avant, et il le mettait un peu en avant de manière sympathique, tout ça. Et en fait, il s'avère que, enfin, je trouve que c'est vraiment c'est un lui. Gros connard. Ah non, mais c'est un énorme défaut, ce mec. C'est pas possible. Mm-hmm. Il est vraiment, enfin, l'acteur déjà est pas très bon. Je trouve qu'il surjoue énormément. Oui, bah, comme beaucoup. Hein. Voilà, comme beaucoup, tu me diras. Mais surtout, enfin, on s'évertue à nous le développer, à nous le rendre un petit peu intéressant, un peu cool, un peu genre le mec qui veut sauver sa sœur, donc qui se rapproche un petit peu du spectateur, tu vois, bon, et qui, voilà, sa sœur qui tourne mal, tout ça. Puis finalement, pour nous faire un plot twist grâce au voyage temporel qui visiblement guide tout dans cette série, et nous en faire un traître, et ensuite nous, enfin, trois épisodes plus tard, mais genre littéralement trois épisodes plus tard, il a des doutes, et du coup, bah, il est plus si traître que ça, enfin. Ouais. Je sais pas, il aurait pu mourir avant le double épisode, et ça aurait été très bien, quoi, enfin, Il aurait pu mourir dès le début aussi, ça aurait été bien aussi. Enfin, il est vraiment, enfin, voilà, là, dans ce personnage, on touche vraiment quelque chose qui touche à tous les nouveaux personnages, en fait. Ils sont tous interchangeables. Ils sont tous interchangeables, ils surjouent tous, ils essayent, enfin, ils en font trop, et du coup, bah, l'identification, elle marche pas, il n'y a pas de à la rigueur, le seul qui a un intérêt et qui est plutôt pas trop mal développé par rapport aux autres, c'est, comment il s'appelle, merde, Charles, voilà. C'est ça, le fils de Hiro. Ah non, Tommy, ouais. Tommy, voilà. À la rigueur, c'est le seul que je ne jetterai pas dans toute la vague de nouveau. Oui, bah en même temps, surtout quand tu te révèles que c'est le fils de Hiro, tu te dis bon. Alors, on va quand même, voilà, justement, le fils de Hiro est clair. Éclair. Enfin, c'est le truc qui est chiant, surtout en plus par rapport à ces nouveaux personnages, c'est qu'ils sont non seulement interchangeables, mais en plus ils souffrent du poids des anciens qui, quand ils reviennent, vraiment les bouffent. Et tu vois que les anciens sont clairement plus à l'aise, clairement plus intéressants dans l'évolution de leur personnage, là, 5 ans après l'arrêt de la série originelle. Et du coup, tu te mets dans la hype, tu vois, de ces trucs-là. Et quand Hiro, alors, on sait pas s'il meurt et tout, mais enfin, ils savent même pas le tuer. Enfin, tu vois, là aussi, c'est un problème. Ils savent pas tuer correctement Hiro, tant qu'à faire, même parce que c'est un porte-étendard, parce que voilà. Et ensuite, bah, quand Hiro, tu vois, disparaît, tu sais même pas, tu sais plus à quoi te rattacher parce que quelque part, Tommy, il a beaucoup moins de charisme que lui, il est beaucoup moins sympa. Enfin, c'est les jeunes souffrent de la comparaison avec les Bah, vieux, clairement. Hiro a un pouvoir tel que, même mort, il peut quand même revenir à tout moment d'un voyage. Enfin voilà, Voilà. il est mort. Enfin c'est un peu comme le docteur finalement. S'il meurt, s'il mourait à un moment qu'il venait à disparaître, ça nous empêcherait pas de le revoir 15 jours plus tard parce que, bah, à ce moment-là, il était là et que. Donc du coup, c'est un personnage, oui, qui a une fin de vie à un moment ou à un autre, mais on sait, enfin, qui peut être là quand même à tout moment. Voilà, on sait pas quand. Et le fait que la série ne sache pas prendre de vraies décisions fortes et plutôt s'attacher à faire des plots twists avec les voyages temporels, les trucs genre Quentin est devenu un traître, tout ça, et ne pas, par exemple, couper complètement le cordon avec Heroes, parce que concrètement, ils l'ont pas fait. Enfin, ils ont vraiment besoin de ces vieux Heroes pour pouvoir faire tenir leur nouveau projet. Ça montre que la série manque d'ambition, qu'il y a, tu vois, ils font le minimum syndical, ils assurent un petit peu les bases avec les vieux, ils essaient d'ajouter un peu de neuf, et au final, ça fait un truc un petit peu genre confus, qui hésite, tout ça, qui est pas mal à certains moments, qui a des fulgurances, hein, il y a des moments vraiment bien, Oui. donc notamment le June 13, mais et deux trois autres passages, voilà. Mais après, t'as Le pas tant que. problème, c'est qu'à aucun moment on nous donne quelque chose pour aimer les nouveaux personnages. Il y a juste Tommy qui a un peu de background et qui a une évolution, voilà, qui te permet peut-être un peu de t'attacher à lui, mais les autres, on nous donne rien. Ben oui, et puis surtout, enfin, leur traitement est disproportionné, quoi. Carlos, il fait rien. Malina, elle fait rien. On sait pas si, enfin, Malina, on apprend un truc sur elle, c'est que c'est la fille de Claire. Donc, à la fin du June 13th. Et à partir de là, avant ça, on sait rien. Après ça, on sait plus rien. Carlos, il se balade avec un mec dont on sait à peine les trois choses. Quand tu regardes la copine de Tommy, on en a rien à foutre. Si, il y a éventuellement celui qui stocke ta mémoire avec des pénis là. Moi, j'ai trouvé ça très classe comme pouvoir. Enfin, lui, Oui. il est plutôt sympa, quoi. Mais alors, lui, il se fait tuer comme une merde, et donc, du coup, non. Carrément, ouais. Donc, voilà, tous les autres personnages, ils ont un tel traitement. Et puis, Zachary Levi, donc, comme on l'a dit, surtout sa femme, elle est encore plus insupportable. Non, donc clairement, voilà. Et alors surtout, le pire, c'est que c'est Noah Bennett qui les guide. Donc, c'est lui qui va finir par polariser tout l'intérêt qu'on peut avoir, voilà, parce que sans lui, bah clairement, il y a rien. C'est le, Bah, c'est c'est le cas aussi dans le double épisode June 13. Hein. On a bon, le... Hiro qui est très présent, mais c'est Noah aussi qui est là et qui fout la merde, qui conduit tout, quoi. Ouais, Enfin, c'est tout tourne clair. autour de lui, quoi. Ah mais il est un vrai conducteur d'événements, Noah. Enfin, il y a pas. Enfin, sans lui, il y aurait pas. Enfin, il y aurait pas d'Heroes Reborn. Enfin, il est trop important. Ça peut pas être un. Tu peux pas avoir. Alors, Zachary Levi, tu vois, qui a été vendu comme la star un petit peu de tout ça, bah, il peut clairement pas lutter en termes d'influence, en termes de trucs et tout. Il est même pas anti-héros. Il est même pas Némésis. Il est pas héros. Il est que dalle. Enfin, alors que Jack Cullen peut faire les deux, peut faire les trois, les quatre à la fois. Et c'est un peu trop. C'est ça le problème. C'est que c'est un peu trop. C'est ça. Bon, on a bien compris qu'on est très mitigé, Voilà. que de toute façon il reste plus que 3 épisodes, donc on va aller au bout. Enfin... Ah oui, clairement. Puis c'est Heroes pour. Enfin, on a regardé aussi parce que c'était sympa de revoir Heroes après quelques années d'interruption, parce que Tim King, il a toujours voulu faire que ça, que ramener sa série. Bon, c'est pas dégueulasse. C'est pas du niveau, par exemple, de la saison 4, hein, qui était pas la meilleure, clairement, qui était même la moins bonne. Mais c'est pas non plus au niveau de la saison 1 qui nous faisait palpiter parfois à plusieurs moments, quoi. Enfin, Voilà, c'est ça, on est clairement en dessous. On verra ce que les 3 prochains épisodes vont nous réserver. Si les trois premiers, si s'ils vont tout boucler ou s'ils vont ouvrir sur quelque chose et auquel cas on on espère attend une quelque chose de suite, vraiment solide. si oui, sous quelle forme, enfin voilà. Nous voilà, les 3 derniers épisodes arrivent et on va voir. Bah, on va voir. Mais alors, a priori, ça pourrait être un truc qui conclurait plus ou moins, parce que Zachary Levi a déclaré que cette saison pouvait très bien se suffire à elle-même et qu'il n'avait pas spécialement besoin d'avoir une nouvelle saison 2. D'accord. Bon, bah on verra. Donc, bon, on ne sait pas à quoi s'en tenir, mais on espère un truc vraiment fort, quoi, histoire de vraiment, au moins de bien boucler. On sera bientôt fixé. De toute façon, on retrouvera Gotham. On retrouvera Heroes Reborn pour un bilan complet de la saison, une fois que celle-ci sera terminée. On va la laisser reprendre, enfin finir sa pause, sa longue pause, et puis reprendre tranquillement. On finira tout ça. J'imagine que tous les deux, on se retrouvera donc dans quelques mois pour faire le point. En attendant, les prochains rendez-vous, les prochains rendez-vous du côté des podcasts, c'est quoi? Eh ben, on va rentrer dans une période un petit peu particulière, période de fête, qui va être animée par deux lives le 20 décembre, là, dimanche. Notre Comic Stories Christmas, notre Comic Stories Christmas Special. Qui sera notre grand jeu, notre grand quiz de culture geek, avec toute l'équipe en tant que candidat, que joueur, et pas mal de cadeaux à gagner pour vous. Donc, guettez ce qui se passe sur le site, sur notre fil Twitter, et également durant ce live, tout vous sera expliqué sur comment éventuellement gagner notre box de Noël qui est pleine à craquer de cadeaux. On sait même pas comment tout va tenir dans le carton. Donc voilà, vous aurez toutes les infos d'ici là. Donc dimanche, on vous donne rendez-vous en live. C'est à 21h, je crois, oui, 21h, je crois. Oui, il me semble. Pour donc ce Christmas Special. Et puis, une semaine après, le 27, on se retrouve pour les Comic Stories Awards 2015. Et notre cérémonie pour faire le bilan de l'année, sans grande prétention, évidemment. Hein, on ne se prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Voilà, on fait juste notre bilan de l'année. On va juste bien s'amuser avec certains awards et surtout certains no-wards. Vous avez été incroyablement nombreux déjà à voter. Continuez à le faire. Vous pouvez jusqu'au milieu de la semaine prochaine pour la catégorie des No Awards. Et puis, vous aurez donc les résultats le 27 en direct. Et puis, vous aurez droit quand même à deux sur nos écrans durant les fêtes. Et on va vous gâter puisque vous allez avoir droit le 24 décembre en guise de cadeau de Noël à notre débrief de Star Wars épisode 7, The Force Awakens. Et le 31 décembre, on finit l'année en beauté avec le numéro 35 de Sur nos écrans où on vous fera le bilan de la première moitié de la deuxième saison de Gotham. Oui. Voilà, de quoi finir l'année en beauté, on verra, mais de quoi bien finir cette année avec nous. Rendez-vous dimanche en live pour notre Comic Stories Christmas Special. D'ici là, bonne série, bons comics et à bientôt. À plus.